Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Plusieurs décennies ont séparé la révolution surréaliste de l'explosion du mouvement punk. Y avait-il un air de famille entre ces deux grandes révolutions créatrices ? C'est en tout cas une piste qu'a choisi d'explorer Alain Weinstein en 1979 en réalisant une série d'émissions sur ces mouvements. Le premier épisode de cette série est donc consacré à l'histoire du surréalisme en compagnie de l'un de ses grands témoins, le peintre Marcel Jean, ami d'André Breton, de Paul Éluard et du groupe des surréalistes à Paris. Il fut dès le départ un chroniqueur de ce mouvement qu'il raconta dans plusieurs ouvrages. Une forme de défi, puisque les surréalistes, comme on va l'entendre, ne portaient pas dans leur cœur la littérature, une forme d'expression, selon eux, forcément mineure. Comment néanmoins raconter par les mots l'aventure de la révolution surréaliste, c'est ce que nous explique Marcel Jean au micro d'Alain Weinstein dans Les Nuits Magnétiques. Nuit magnétique. Est 6h45, 8h34, 12h26, 17h06, 17h18, 18h57, 23h10, 8h08, 10h04, 13h55, 19h, 20h18, 0h52, 9h, 11h01, 14h57, 21h06, 12h08. 16h09. Si je trouvais une phrase, une belle phrase, je pourrais la placer en exergue, comme dans un livre. Par exemple, pour une émission sur le surréalisme, cette phrase, tiens, d'Aragon. Qui est là ? Ah, très bien. Faites entrer l'infini. Mais décidément, cette phrase ne me plaît pas. Et l'émission est commencée. Je risque de prendre le train en marche. Alors je dis bonsoir. Et je vous dis bonsoir, Marcel Jean. Je vous remercie d'être venu passer en direct cette soirée avec nous, autour du surréalisme, un peu, beaucoup, passionnément. À la folie, j'en suis sûr. Mais d'abord, ces questions. Les punks, vous connaissez ? Mon Dieu, oui, je connais, oui, bien sûr. En tout cas, vous en saurez davantage en écoutant Nuit Magnétique, mardi et vendredi à 22h30. Vous-même, vous êtes peintre, écrivain et vous avez appartenu au groupe surréaliste de 1932 à 1950, donc un témoin. Vous êtes l'auteur, entre autres livres, d'une histoire de la peinture surréaliste qui a fait beaucoup de bruit, qui a paru en 1959 et à laquelle on se réfère toujours, et on peut voir vos œuvres dans des musées et dans des collections privées en Europe et aux États-Unis. Mais au fond, on vous connaît mal. En quelques mots, est-ce que vous pouvez raconter votre itinéraire ? Mon itinéraire vers le surréalisme a commencé de très bonne heure. Je me souviens que dès 1919, quand je suis arrivé à Paris, j'allais dans la petite librairie Picard qui était en haut du boulevard Saint-Michel et je trouvais la littérature 391, des revues qui m'ont tout de suite passionné et tout de suite intéressé. Alors justement, comment se passionne-t-on pour le surréalisme ? Comment tombe-t-on sur le surréalisme quand le mouvement est encore complètement inconnu? Ça doit être une disposition particulière, une sorte de vocation, si vous voulez, parce que même avant d'être à Paris, en province, mes parents habitaient à Louviers dans l'Eure, mon père était directeur d'une école, je lisais des journaux de Paris qui parlaient de Guillaume Apollinaire et de gens comme ça. C'était une chose qui m'a toujours tenté et qui m'a toujours passionné. Et je me suis trouvé tout naturellement à suivre de l'extérieur, pendant assez longtemps, ce mouvement. Je me suis abonné à la Révolution surréaliste quand elle a paru. C'est une chose qui me passionnait depuis toujours, en somme. Jusqu'au moment où, en 1932, j'ai rencontré les surréalistes dans cette association des écrivains et artistes révolutionnaires qui avait été fondée par le Parti communiste pour réunir, enfin, les écrivains d'avant-garde, etc. Alors, je me suis trouvé dans cette, je me suis inscrit à cette organisation et les surréalistes aussi, qui voulaient avoir une action politique déjà depuis beaucoup de temps. Et puis, nous avons eu les pires difficultés, naturellement, pour arriver à nous exprimer, etc. Et ils sont partis, et je suis parti avec eux. Et c'est ainsi que je suis véritablement entré dans le groupe surréaliste, où je suis ensuite resté jusqu'à la guerre et après la guerre. Jamais exclu, jamais excommunié. Disputé à la fin. Tout le monde s'est disputé avec André Breton un jour ou l'autre. Il y a eu une querelle finale en 1950. Les querelles du surréalisme, écoutez, je n'en parlerai pas. Ce sont des histoires tellement compliquées. Il y a à la fois des questions de principe et des questions de passion qui se mélangent intimement, si bien que même ces histoires-là, quand on m'en parle maintenant, je n'y comprends peut-être pas grand-chose. Enfin, écoutez, on essaiera quand même peut-être d'en dire un mot tout à l'heure. On en dira quelque mais chose. Ce que je dois dire dès maintenant, c'est que vous avez eu l'idée d'écrire l'autobiographie du surréalisme. Oui, ce n'est pas tout à fait moi qui ai eu cette idée. Ça m'a été demandé par un éditeur américain, pour commencer, qui voulait faire une anthologie d'écrits de peintres. Alors, des écrits de peintres, c'était un petit peu dispersé quand même, et ça m'a amené tout à fait naturellement à écrire, alors pour cet éditeur américain, d'anthologie historique, oui. Qui est devenue une sorte d'autobiographie. Et puis une fois que ça a été fait, écrit du moins, parce que c'est pas encore publié en anglais, je me suis dit mais c'est une chose qui manque également en français, et c'est là que j'ai pensé à la faire en français également. Voilà, alors d'où ce gros volume qui paraît aux éditions du Seuil. Mais essayer de saisir le surréalisme par ses textes, en ne s'appuyant que sur ses textes, ça m'amène quand même à vous poser une question un peu perfide. Peut-on écrire l'histoire du surréalisme à travers ces textes que les surréalismes dévalorisaient? Comment cela? Les surréalistes dévalorisaient l'écriture, n'avaient pas une grande confiance dans l'écriture comme telle. Ils n'avaient confiance. Pour eux, le problème était ailleurs. Ils n'avaient confiance dans aucun moyen d'expression en tant que tel. Et pourtant, aujourd'hui, il ne reste que ces textes. Et pourtant, les textes sont là. Alors, je vous pose cette question perfide, donc j'insiste beaucoup sur la perfidie. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on ne saisit pas que l'ombre du surréalisme? Évidemment. Le Breton a écrit quelque part, enfin déjà très tôt, qu'il était absolument impossible d'écrire l'histoire. Lui-même s'est d'ailleurs chargé plus tard d'écrire des entretiens qui sont un peu historiques, n'est-ce pas? Mais il est évident que la reconstitution d'un mouvement est toujours aléatoire. C'est néanmoins un peu pour tâcher de donner la vie de ce mouvement que j'ai écrit ce livre. Ce n'est pas seulement une anthologie avec des textes les uns à la suite des autres. J'ai essayé de traduire justement ce qui est presque intraduisible, la manière dont nous vivions. Alors, oui, justement, alors comment vous l'avez organisé, ce livre, et est-ce qu'on y trouve des documents rares, sinon introuvables? On y trouve des documents rares, quelques inédits, des pages très célèbres et des pages moins célèbres qui ont été publiées, oubliées ou méconnues. Tout cela jouait un rôle dans le surréalisme lui-même. Ça avait presque la même importance que les pages les plus importantes, les pages les moins importantes. C'est une sorte d'ensemble de textes d'une valeur inégale si on les juge au point de vue de leur réputation, mais qui avaient leur valeur vivante au moment où elles étaient écrites. Et est-ce que ces textes dispensent de lire tous les ouvrages des surréalistes ? Non, pas du tout. Ces textes sont destinés à inciter le lecteur à retourner aux œuvres complètes, aux œuvres entières elles-mêmes l'œuvre complète, l'œuvre entière qui est seulement représentée dans ce livre. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous n'êtes pas bien représenté dans ce livre. Vous êtes le grand absent du livre, car on n'est jamais plus mal servi que par soi-même. C'est bien connu. Mais en même temps, c'est vous qui avez fait le choix des textes. Donc, en étant le maître du choix, vous vous êtes donné les pleins pouvoirs. Je me suis donné les pleins pouvoirs et j'encours les pleines critiques également de ceux qui pourront lire ce livre. La seule chose que je puis dire pour ma défense, je le dis dans la préface, c'est on que... On ne nous attaque pas. Nous ne sommes plus au temps des surréalistes. Non, mais il est juste qu'on porte une opinion sur un autre, sur un anthologiste, d'après son choix, naturellement. Ce que je tiens à dire, c'est que si on fait une autre anthologie du surréalisme, et c'est très possible de faire une anthologie aussi complète que la mienne, avec des textes complètement différents, parce que la richesse de la littérature surréaliste est telle qu'on a vraiment le choix. Mais tous les textes que j'ai choisis sont des textes qui expriment l'essence du surréalisme, c'est-à-dire la recherche du merveilleux jointe à la défense de la liberté. Tous les textes dépendent de cela. Alors écoutez, ensemble, si vous le voulez bien, toute cette soirée, je vous propose que, familièrement, comme ça, en improvisant, au coin du feu de cette passion qu'a quand même été le surréalisme, nous essayons d'en raconter l'histoire, comme ça, une petite histoire. La petite histoire de ce qui a été, au fond, une grande affaire. Les hommes, la vie surréaliste, la littérature, les arts, la politique aussi, qui a joué un grand rôle, et puis nous entendrons des musiques. Mais les surréalistes n'aimaient pas beaucoup la musique, je crois. Ils entretenaient des rapports difficiles avec elle. La musique, dans le mouvement d'avant-garde, dans le mouvement poétique d'avant-garde, la musique a toujours été assez mal vue. Apollinaire lui-même n'aimait pas la musique, il n'aimait que Schubert, n'est-ce pas, des choses comme ça. Quant à Breton, il était tout à fait incapable de chanter, par exemple. C'est une chose absolument extraordinaire. Quand il chantait, on n'avait pas idée de ce que ça pouvait représenter. Et en tant que musique, la grande musique, la musique courante, l'orchestre, ça n'intéressait guère. C'était les chansons qui nous intéressaient. Il n'y a pas eu de musicien surréaliste. Une musique ? Il n'y a pas eu de musicien surréaliste. De musicien surréaliste, on peut rattacher, si on veut, Satie au surréalisme, n'est-ce pas ? Édouard Mézins, le écrivain belge, avait fait des études musicales. Mais un beau jour, il est tombé sur un texte de Quirico, de Giorgio de Quirico, des notes de Quirico, qui disait « pas de musique, la musique n'a aucun intérêt ». Eh bien, ce texte, je vous propose de l'écouter. C'est une idée. Giorgio de Quirico. Point de musique. La musique ne peut exprimer le nec plus ultra de la sensation. Avec la musique, on ne sait jamais de quoi il s'agit. Et après tout, après avoir entendu un morceau de musique, fût-il de Beethoven, de Wagner, de Rossini ou de Monsieur Saint-Saëns, chacun a le droit de dire, et même capable de dire, qu'est-ce que cela veut dire ? Dans le tableau profond, au contraire, cela est impossible. On doit se taire quand on le pénètre dans toute sa profondeur, quand on tourne l'angle de tous ses murs, et pas seulement de ses murs. Alors la lumière et les ombres, les lignes, les angles commencent à parler, et la musique se fait aussi entendre. La musique cachée qu'on n'entend pas. Ce que j'écoute ne vaut rien. Il n'y a que ce que mes yeux voient ouverts, et plus encore fermés. Dans la musique, il n'y a pas de mystère. Voilà pourquoi c'est justement l'art qui plaît le plus aux hommes, dans lequel ils trouvent toujours plus de sensations. Avec j'attends leur double thorax. Parmi le fracas immense des cuivres de Saxe, ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax, les deux Ajax. Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax. Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax. Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, un contre mille, grâce à mon plongeon. Grâce au plongeon. J'aurais l'esprit bien tranquille, n'était mon talon. Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon, le Myrmidon. Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Je suis... Qu'est-ce que je suis? L'époux. Comment? L'époux. L'époux? Ah oui, l'époux, oui, je suis l'époux de la reine Poux, de la reine Poux, de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, je le dis tout bas. Ne me fasse de la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine Poux, de la reine Poux, de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas. Il est l'époux de la reine Poux, de la reine, le roi Ménélas. Il est l'époux de la reine Poux, de la reine, le roi Ménélas. Le roi Barbu qui s'avance, puis qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon. Et seul, non, seul me dispense, seul me dispense, seul me dispense d'en dire plus long. D'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi Barbu qui s'avance, puis qui s'avance, puis qui s'avance, c'est Agamemnon, Agamemnon. Le roi Barbu qui s'avance, puis qui s'avance, c'est Agamemnon. Le roi Barbu qui s'avance, puis qui s'avance, c'est Agamemnon. Dites-moi, Marcel Jean, je n'ai pas cru reconnaître là la Loulou de Berg. Pourtant, on l'a entendu pas mal cet an dernier. Et alors, les surréalistes ont été jusqu'à Offenbach, pas plus. Ils ont été jusqu'à Offenbach à cause, justement, et un peu plus loin aussi avec des chansons populaires, à cause du côté chanson de cette musique et de ses paroles. C'est ça qui ravissait André Breton en particulier. C'est le fait que la musique n'était pas seulement de la musique, C'était aussi des paroles extrêmement amusantes, extrêmement drôles, sur une musique qui lui collait parfaitement bien. Et Breton, qui n'était nullement musicien, qui avait horreur de la musique, a néanmoins su trouver cette expression pour la musique d'Offenbach quand il a parlé du soleil de 10 heures de la musique d'Offenbach. Je crois qu'aucun critique de musical n'a trouvé une expression aussi juste pour décrire cette musique toute de joie matinale que celle d'Offenbach. Et je me souviens qu'un jour, un soir, j'étais en train de dîner avec sa femme Jacqueline et lui-même, je suis venu à parler d'Offenbach, que j'aimais beaucoup cette musique moi-même. Il était absolument ravi, mais il dit « Mais tu peux chanter des airs d'Offenbach ?» Ben, je lui dis « Oui, j'en connais plusieurs. » Il dit « Viens tout de suite à la maison, tu vas me les chanter immédiatement. » Et j'ai passé toute la soirée à lui chanter tout ce que je savais de la musique d'Offenbach. Il disait « Mais si seulement je savais chanter, que je pourrais chanter ça quand j'ai un peu le cafard, quand je suis déprimé, ça me remonterait, ça me remettait d'aplomb. » Alors, c'est vraiment la chanson. Vous comprenez qui a séduit les surréalistes, pas seulement Offenbach, mais aussi la chanson populaire, la chanson sentimentale, émouvante ou joyeuse et absurde. Alors, en tout cas, il n'y a pas que des chansons chez les surréalistes. Il y a, il faut le dire dès le début, un comportement, un état d'esprit surréaliste, et c'est peut-être par là qu'il se définit le mieux. Ce comportement, cet état d'esprit, évidemment, sont éternels. Dans le premier manifeste, Breton se trouve beaucoup d'antécédents. Mais il y a eu cependant un mouvement qu'on peut situer dans le temps, qu'on peut dater. Et en gros, je crois que la période qui convient, c'est l'entre-deux-guerres. C'est entre les deux guerres que tout se sera passé. Et c'est entre les deux guerres que le surréalisme, comme mouvement, aura eu une influence internationale. Oui, bien sûr, c'est le moment où il y a eu le plus de créations et où ces créations se sont situées en tant que surréalistes. Évidemment, on peut remonter très loin dans le surréalisme. Moi-même, j'ai consacré quelques chapitres à des précurseurs, à Apollinaire, Jarry, Jacques Vacher, qui a profondément influencé Breton, Reverdy, dont la poésie a été à la source de celle d'Éluard et de beaucoup d'autres. Cravant aussi, peut-être. Cravant aussi. Tous ces gens qui ont eu à la fois un moyen d'expression assez particulier ou alors une existence tout à fait curieuse et notable. Rimbaud, naturellement, au premier chef. Mais évidemment, c'est à partir de la fin de la Première Guerre que ces gens se sont rencontrés avec des idées communes, des désirs communs de renouveler cette espèce de tradition, tout en restant dans cette tradition, mais en la renouvelant et en l'exaltant. Et puis est arrivé Dada. Alors, Dada a été une sorte d'exemple pour le surréalisme. Dada était un mouvement, était une protestation. Avant tout, c'était une protestation. Le surréalisme, ça a été dès le début une recherche. Mais alors, la protestation Dada s'est imbriquée dans la recherche surréaliste et lui a apporté beaucoup de sa violence. Dada n'a pas vécu longtemps parce que la protestation en elle-même, en soi, ne peut pas continuer éternellement. Oui, justement. Alors, les chefs de file du surréalisme, qui à cette époque s'appellent Aragon, Breton, Éluard et Perret, ils sont quatre surtout, ces chefs de file vont trouver justement que cette action, qui est uniquement destructrice, est totalement insuffisante. Et c'est en 1922 qu'ils vont rompre avec Dada. Ils vont lâcher Dada, comme Dada lui-même avait demandé qu'on le fasse. Et ce n'est pas... Oui, c'est-à-dire que... ils ont lâché Dada parce que Dada était en train de se lâcher lui-même. Et alors, ils l'ont lâché, non pas en faveur d'une autre esthétique, pour remplacer une esthétique par une autre, mais comme proposition, pour essayer de présenter une proposition d'un moyen de connaissance, de ce que Maurice Nadeau, dans son Histoire du surréalisme, appelle l'envers du décor logique. Je dois dire que tout y passe, c'est l'inconscient, c'est le merveilleux, c'est le rêve, et la folie, qui sont les valeurs. C'est ça, ce sont les valeurs refusées par la raison logique qui sont adoptées et développées par le surréalisme. Elles étaient en partie développées aussi et exaltées par le dadaïsme, mais le surréalisme a fait cela systématiquement. Et la première manifestation, avant même que le surréalisme se soit formulé en tant que mouvement, c'est l'écriture automatique qui est apparue avec les champs magnétiques de Breton et Philippe Soupeau. Voilà, alors c'est justement le premier essai dans le sens de cette recherche dont nous parlions tout à l'heure, qui date de 1921, c'est ça. Les champs magnétiques. Breton et Soupeau, champs magnétiques. Les champs magnétiques. La glace sans teint. Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans les villes sans bruit, et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés? Nous ne savons plus rien que les astres morts. Nous regardons les visages et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est plus sèche que les plages perdues. Nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n'y a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés, et les tables sont plus poisseuses que ces trottoirs où sont tombées nos ombres de la veille. Quelquefois, le vent nous entoure de ses grandes mains froides et nous attache aux arbres découpés par le soleil. Tous, nous rions, nous chantons, mais personne ne sent plus son cœur battre. La fièvre nous abandonne. Les gares merveilleuses ne nous abritent plus jamais. Les longs couloirs nous effraient. Il faut donc étouffer encore pour vivre ces minutes plates, ces siècles en lambeaux. Nous aimions autrefois les soleils de fin d'année, les plaines étroites où nos regards coulaient comme ces fleuves impétueux de notre enfance. Il n'y a plus que des reflets dans ces bois repeuplés d'animaux absurdes, de plantes connues. Adieu Bordeaux, hurra au Mexico. Oh, oh, oh. Au Cap Horn, il ne fera pas chaud. Oh, la chalet pour faire la pêche au cachalot. Un matelot et au ristero. Il laissera sa peau. Goodbye, far away. Goodbye, far away. Adieu, misère. Adieu, bateau. Hurra au Mexico. Oh, oh, oh. Page 15. Et nous irons à Valparaiso. Et la salaire. Des instants saisis au vol, les sueurs de tempête, le testament de Dieu, l'étrange biographie, l'écriture comme expérience de la spiritualité, 30 pages de Proust m'importent, le stylet sismographique du cœur, l'aristocrate et la prolétaire, deux voix féminines. En nos vertes amies, Chantal, là-bas, la porte. Lire la suite, page 19. Lire la suite, page 19. Le stylet, le sismographe du cœur. Un matelot, et ho, et ho. Alors, Marcel Jean, nous avons quitté nos amis surréalistes en 1921, et puis le mouvement s'organise. Les rangs grossissent, mais un homme domine, André Breton. Et autour de lui, le groupe est fondé officiellement en 1924. André Breton. Avec le manifeste du surréalisme, qui est le premier texte théorique fondant ce mouvement. Pas tout à fait le premier texte d'ailleurs, parce que quelques mois auparavant, Louis Aragon avait écrit un article dans la revue Commerce qui s'appelait « Une vague de rêve », dans lequel il esquissait déjà les différentes phases que développera Breton par la suite. Mais c'est le manifeste qui a vraiment posé les premières fondations de ce mouvement. Alors je crois que, à propos d'André Breton, vous avez retrouvé et publié dans votre autobiographie du surréalisme un texte important et pratiquement inconnu de Suzanne Musard, qui était sa compagne. Oui, Suzanne Musard a été son amie pendant plusieurs années, à partir de 1927, je crois, et c'est pour elle qu'il a divorcé d'avec sa première femme, Simone Kahn, qui est aujourd'hui Simone Collinet. Cette personne avait une sorte de génie particulier, comme le dit Breton à la fin du livre Nadja, et en tout cas, pas du tout le génie de vouloir se poser comme la femme d'un génie, par exemple, n'est-ce pas? Elle a toujours gardé une parfaite décontraction vis-à-vis de sa situation d'André Breton, avec ce résultat, c'est qu'on n'a jamais parlé d'elle. Je crois qu'elle n'a jamais été citée dans aucune histoire et nulle part. Alors donc, c'est l'occasion d'écouter son portrait d'André Breton qui est lu par Louis-Charles Sirjac. Suzanne Musard. Souvenir. Ma marche à reculons pour remémorer mon passage dans le surréalisme des années 1927-1932 risque de ne pas être concluante. Il m'est difficile de prétendre y avoir connu André Breton tel qu'il était, et il est probable que des personnes autres que moi l'ont considéré sous un angle différent. Je me réfère seulement au fait d'avoir été incorporé au groupe surréaliste à la faveur d'une passion sentimentale qui devait bouleverser ma vie pendant 5 ans. Et qui n'est pas parvenu à munir André Breton dans la durée des temps, pour le pire et pour le meilleur. Breton encensait ses amours. Il façonnait la femme qu'il aimait pour que, conforme à ses aspirations, elle devienne à ses yeux une valeur affirmée. Or, je n'ai été que le sujet d'une déception, parce qu'inadaptable à ce qu'il voulait que je sois. Trop rétive, je subissais plutôt des impulsions incontrôlables, fugitives, incapables de se plier à des sentiments suggérés. Aussi, je ne revendique pas ce qui me concerne à la fin de Nadja. Ce texte a été dicté dans l'élan d'une passion irréfléchie, aussi poétique que délirante. Et il est plutôt à l'honneur de Breton qu'au mien. D'autre part, qu'Aragon prétende que j'ai été la seule qui ait réellement compté dans la vie d'André Breton, et qu'il l'assure à qui veut l'entendre ou le lire, me semble vraiment excessif. À moins que d'en avoir été la passagère insoumise ne m'ait marqué d'un intérêt particulier. En ce qui me concerne, je n'ai pas aimé l'homme en vue d'une postérité qui le plaçait d'avance sur un piédestal. C'était trop haut pour moi, dont l'objectivité ne recherchait que des émotions apportées du cœur. L'amour est un piège pour des amants en quête d'absolu. J'ai souvent été très touché, très flatté par les hommages qu'André Breton me rendait en public, mais jamais conquise dans le privé par des habitudes qui en rompaient le charme. Cependant, je suis certaine de l'avoir aimé, ne serait-ce que pour l'unique raison du cadeau que fait toujours un homme à une femme en la choisissant pour l'aimer. Peut-être avais-je la faculté de provoquer l'amour, et André Breton celle de l'inspirer sans posséder le don magique de pouvoir l'entretenir. Notre liaison n'a vécu que dans les soubresauts des révoltes et des réconciliations, et n'essayait de survivre que pour sauver ce que nous en avions espéré. Cela a duré le temps de consumer l'amour à petit feu. Les souvenirs se parent de toutes les grâces, et si j'essaye de les raviver, c'est pour donner à l'amour les raisons de sa séduction, et de celle d'André Breton en particulier. Entre autres, cette façon charmante qu'il avait d'attacher autant d'importance à une fleur des champs qu'à une précieuse orchidée poussée dans une serre. Exactement comme pour les femmes. Ainsi, Nadja, cette curieuse naufragée qui vivait d'imprévu dans un hôtel sordide, ou Lise de Harmes, qui situait son élégante existence dans un décor fastueux, deux femmes opposées, qu'André Breton plaçait dans un cadre plus surréaliste que concrètement vivable. C'est après elle que je suis intervenu dans sa vie. Étonnée par lui et, parce qu'il le voulait ainsi, étonnante pour lui. Fredonne un air du XVe siècle, puis il adresse un compliment tout rempli de mesure. Qui osera dire qu'il n'est pas le plus beau? Son cœur n'est-il pas tendre? Il se prend par la taille, c'est pour lui un ravissement. Que dira la jolie marquise? Elle luttera, mais sera vaincue. Oui, madame, n'est-ce pas écrit? En tout cas, Saint-Marcel Jean, ce n'est pas un poème surréaliste. Non, ce n'est pas un poème surréaliste, c'est simplement le commentaire d'Éric Satie à ses propres valses. Alors, ce qu'on peut dire, pour revenir à notre histoire, notre petite histoire du surréalisme, c'est que les surréalistes avaient diablement le sens de l'organisation et, disons, des relations publiques. Ils créent un bureau de recherche surréaliste, ils ont un organe, la révolution surréaliste, et il multiplie les papillons, les pamphlets. Il y en a un fameux, notamment, contre Anatole France. Terrible, l'année même de sa mort. Oui, ça, cette histoire d'Anatole France les a profondément intéressés, si je puis dire. Cette mort d'Anatole France, elle a glorifié à la fois par les gens les plus réactionnaires et par le Parti communiste, parce qu'il était, paraît-il, communiste à la fin de sa vie. Mais c'était quand même un homme qui avait un passé, au point de vue poétique, assez chargé, pourrait-on oui. dire. Enfin, vos amis surréalistes ne mâchaient pas leurs mots, puisqu'ils terminaient en disant qu'on pouvait gifler à mort. Voilà, on pouvait gifler à mort, et Breton proposait de mettre son cadavre dans une boîte des quais avec ses livres qu'il aimait tant, et de le jeter à la Seine pour que cet homme, même mort, ne fasse plus de poussière. Alors là, je vois que vous êtes en train de consulter votre livre, vous avez un petit texte à nous lire, peut-être. Je voudrais donner les raisons pour lesquelles les surréalistes n'aimait pas tellement Anatole France. Anatole France venait de mourir, qui avait eu parfois l'attitude d'un esprit libre, c'est le commentaire que je donne à cette histoire du cadavre, qui fut Dreyfusard au temps de la fameuse affaire, et qui flirtait quelque temps avant sa mort avec le Parti communiste nouvellement formé. Mais l'écrivain dont le style ravissait les traditionalistes avait été aussi l'ennemi déclaré des valeurs poétiques modernes. Ses jugements impératifs en tant que membre du jury pour la troisième anthologie du Parnasse contemporain en 1875 n'étaient pas oubliés des jeunes poètes de 1924. Il s'était opposé à l'admission de Mallarmé par un catégorique « non, on se moquerait de nous ». À propos de Verlaine, « non, l'auteur est indigne et ses vers parmi les plus mauvais qu'on puisse voir ». Pour Charles Cros, « non, je serais obligé de retirer ma collaboration si la sienne était acceptée ». Et l'article d'Aragon dans le pamphlet surréaliste intitulé « Un cadavre » rappellera que France avait écrit la plus déshonorante des préfaces à un conte de Sade, lequel a passé sa vie en prison pour recevoir à la fin le coup de pied de l'âne de cet officiel. Et aujourd'hui, je vois que vous attachez encore beaucoup d'importance à cette attaque d'Anatole France. C'est assez important parce que c'était une sorte de date dans les relations des surréalistes avec le monde extérieur. Et Breton ne dénigrait pas de raconter ce qui était arrivé avec Jacques Doucet, dont il était le conseiller au point de vue de la peinture pendant quelque temps. Il lui donnait des renseignements sur les peintres que Doucet devait acheter pour sa collection. Et quand le cadavre a été publié, Doucet l'a convoqué avec Aragon, qui remplissait le même rôle auprès de lui, et leur a parlé de choses et d'autres, et jusqu'au moment où il leur a dit « Ben voyons, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette petite maxime? Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures ». Alors, les deux autres n'ont rien compris. Ils ont dit, oui, vous avez publié un texte sur Anatole France. Ils ont dit, messieurs, ça ne va pas, vous n'avez plus rien à faire ici. Alors, ils sont sortis complètement éberlués de cette affaire. Monsieur Jacques Doucet, de grand collectionneur et couturier célèbre, ne supportait pas que Anatole France soit insulté par ses collaborateurs. Ce qui était quand même assez significatif et qui marquait assez bien le côté vraiment rétif des surréalistes vis-à-vis de la société environnante. Oui. D'ailleurs, en matière de scandale, on n'est pas à court d'exemple. En 1925, il y a le fameux banquet Saint-Paul-Roux. Oui, la closerie des Lilas. Il y a eu une horrible bagarre. Je ne sais pas, on a insulté Madame Rachilde qui présidait ce banquet. Michel Léry s'était à une fenêtre et criait « À bas la France » ou une chose comme ça. Il a manqué de lyncher. Enfin, ça a été une histoire absolument terrible à cause de ce côté officiel, parce qu'ils aimaient beaucoup Saint-Paul-Roux, d'ailleurs, en tant que poète. Et Saint-Paul-Roux était tout épaté et leur disait « Mais enfin, pourquoi avez-vous fait ça ?» C'était vraiment le désordre organisé pour empêcher cette espèce de démarche officialisant un poète qu'ils aimaient. Il paraît que certains surréalistes dénonçaient certains de leurs camarades à la police. Alors là, je ne sais pas, vous avez des renseignements précis sur cette histoire ? Il me semble avoir vu plusieurs allusions à ce fait dans l'histoire du surréalisme de Maurice Nadeau, notamment. Alors là, je suis vraiment tout à fait à court parce que je n'ai véritablement jamais entendu parler de ça. Il y a eu une histoire au moment de l'affaire du cœur à barbe, la représentation que Zara avait donnée dans un théâtre et où la police est intervenue et on a prétendu que Zara avait désigné les surréalistes à la police. Mais en fait, ça se passait dans une telle pagaille qu'il ne faut peut-être pas attacher tellement d'importance. Mais je n'ai jamais entendu parler d'une histoire pareille, parce que si quelqu'un s'était risqué à ce genre de choses, il n'aurait pas été surréaliste une seconde de plus. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le surréalisme, ça se vit. Et ça se vit notamment dans les cafés. Il y a le Certa, le Grillon, le Cyrano. Les cafés ont joué un grand rôle dans la vie du mouvement. Les cafés ont joué un rôle considérable et ils ont toujours joué un rôle, quel que soit le café où on se réunit. C'est pendant un certain temps, ils se sont réunis dans un café d'artistes de musée de théâtre qui était l'atmosphère vraiment qu'ils cherchaient. Les cafés suivaient un peu les résidences d'André Breton, non ? Non, pas toujours. Pas toujours. Le café de la Place Blanche, bien sûr, c'était tout à coup le café Cyrano, mais le café Batifol, rue du Faubourg Saint-Martin, était un café qui avait été trouvé comme ça au hasard des promenades de tel ou tel. Alors qu'est-ce qui se passait dans ces cafés ? Qu'est-ce qui se passait ? Il se passait des choses parfaitement banales, quelquefois ennuyeuse, quelquefois très exaltante, quand il y avait quelque chose, un événement subi qui arrivait et où il fallait prendre position. Il y avait quelquefois des disputes, puis quelquefois des choses très, très amusantes, enfin, où on se distrayait entre nous, simplement. Et on s'imprégnait du bon air de Paris. Pardon, exactement. André Breton, Les Vases Communicants. Midi moins 20. Je savais que j'allais arriver beaucoup trop tôt. Il ne me restait plus qu'à patienter une demi-heure au café Batifol, 7 rue du Faubourg Saint-Martin. Bien qu'il eût dépendu de la jeune fille que j'attendais, et non de moi-même, de fixer notre rendez-vous à cet endroit, nul autre, je dois dire, ne m'était plus familier. J'y étais entré quelques mois auparavant, à la suite d'une femme très belle, dont, naturellement, les yeux étaient ce qui m'avait d'abord subjugué. Le tour de l'iris me faisait songer au bord rétractile des marènes vertes. Les renseignements que j'avais cru pouvoir prendre sur elle auprès du garçon, ayant été pour tempérer mon désir de la connaître, j'en avais été quitte pour la regarder de loin et pour me promettre, quand je me trouverais par trop seul, de revenir de loin la regarder. Mais la salle où elle venait d'entrer eût été, à elle seule, capable de me retenir. Elle était envahie, entre 6 et 8 heures, par l'espèce la plus grouillante de foule que j'eusse encore vue. Petits artistes de théâtre et de concert, auxquels se mêlaient un certain nombre de femmes et d'hommes d'une profession socialement à peine moins définie. Véritable cours des miracles de l'art, le café Batifol confondait dans une sorte de bruit marin montant et descendant, bruit de rafale, l'espoir et le désespoir qui se quêtent au fond de tous les beuglants du monde. Des mois durant, par la suite, Mes amis et moi, nous y étions retrouvés à la fin de chaque après-midi, chacun de nous appréciant, semble-t-il, de ne pouvoir presque y parler aux autres, faute d'espérer s'en faire entendre. Une fois la poignée de main donnée, le morceau de glace introduit dans le verre, il n'y avait plus qu'à se laisser bercer par ce vent secouant le tablier d'une cheminée dont la fumée eût été de la soie. Il y avait là quelques femmes, très jeunes, qui mijotaient avant de l'entreprendre par un rire éclatant, une œillade forcenée, une exhibition négligente de cuisses nues, la conquête d'un directeur. D'autres, ailleurs, toutes affalées, parvenues au terme de leur carrière. Des négociations d'un caractère manifestement sordide se poursuivaient. Tout cela, bon pain, s'embrassait, se chicanait, parfois se battait. Rien de plus accaparant, de plus reposant que ce spectacle. Sauf samedi. Alors Marcel Jean, il est 23h19 et nous sommes toujours dans les cafés. Nous avons la langue un peu pâteuse. Vous-même, vous fréquentiez beaucoup les cafés ? Oui, on allait tous les jours au café. On se rencontrait entre amis, comme un tas de gens se rencontrent dans les cafés entre amis, se rencontraient à cette époque, en tout cas à travers la France. Ça a toujours été important et ça a été tellement important que quand les surréalistes se sont trouvés à New York pendant la guerre, le café leur manquait et les a complètement désorientés. Max Ernst disait à ce moment-là, lorsque les peintres parisiens arrivèrent, ils essayèrent bien de modifier la situation qu'il y avait en Amérique, mais ce n'est pas assez que quelqu'un décide, ceci est un café d'artistes. La vie communautaire d'un café de Paris est difficile, sinon impossible à New York. Et Tanguy disait de son côté, naturellement, il y a un Paris qui vous manque toujours. Il est difficile de vivre sans café. En Europe, et particulièrement à Paris, c'est merveilleux de pouvoir flâner à loisir et de rencontrer ses amis sans cérémonie. C'était vraiment une chose qui, tout naturellement, était un élément de la vie surréaliste. Oui, d'autant que les surréalistes n'avaient pas l'habitude de s'ennuyer. Je crois qu'il jouait beaucoup. Il s'amusait, il jouait, et il jouait à des jeux qui étaient pas seulement les textes automatiques, mais aussi un jeu au titre un peu étrange, le jeu du cadavre exquis. Oui, ça a été découvert dans cette maison de la rue du Château où Prévert, Tanguy recevaient Breton, Aragon et les autres amis. Et un jour, ils sont amusés à jouer ce qu'on appelle les petits papiers. Enfin, c'est un jeu bien connu. Et les résultats qu'ils ont obtenus, ils ont complètement ravis et ils ont continué et développé ce système par différentes méthodes. De sorte que le jeu, ce qu'ils ont appelé le cadavre exquis, ça vient simplement du fait que le premier texte obtenu par ce moyen absolument hasardeux, c'était « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Ça avait été fait par 3 ou 4 personnes. Alors ils ont appelé ça ensuite, ça se rappellera le cadavre exquis, ça sera le terme pour désigner ce jeu-là. Alors on a joué perpétuellement, on l'a fait en dessin, on l'a fait avec le système des questions et des réponses, avec le système de la phrase hypothétique à laquelle on donne un complément. Il y a eu toutes sortes de développements de cette méthode. Alors, on va entendre tout à l'heure un exemple de cadavre exquis. Mais je crois que nous devons également parler d'une autre sorte de jeu, celle-ci beaucoup plus sérieuse, si je puis dire. C'est le jeu de l'exclusion. Oui, ça n'était pas un jeu, et c'était un moyen pour Breton en particulier de ne pas tolérer que le surréalisme malgré toutes les raisons qu'on pouvait lui trouver, s'écarte sur des chemins qui n'étaient pas ceux dans lesquels il voulait véritablement le maintenir. Alors précisément, Marcel Jean, dans votre livre, dans l'introduction de votre livre, vous dites « J'aurais beaucoup à dire sur le rôle de Breton dans les querelles, exclusion, réhabilitation, excommunication et insultes qui accompagnèrent toute la carrière du surréalisme ». Vous auriez beaucoup à dire. Ne le dites-vous pas? Pourquoi je ne le dis pas? Parce que, cher ami, nous, le temps presse, ce soir en particulier, et il faudrait, je crois, 2 ou 3 émissions particulières pour expliquer cette histoire de querelle à l'intérieur du surréalisme. Je vous ferai remarquer que j'ajoute à cette phrase, il faudrait probablement une anthologie spéciale pour traiter de ces crises dont chacune demanderait des pages d'explication. Toujours insuffisante et jamais impartiale, tant une trame de principes et de passions entremêlées tissait avec la chaîne des événements, dans ce genre de conflit, un dessin embrouillé. Moi-même, quand je me suis séparé de Breton, il y a eu naturellement des grandes disputes, et je conçois difficilement, même maintenant, ce qui s'est passé. Alors écoutez, laissons les exclusions de côté, excluons les exclusions pour le moment, voilà. Et écoutons un exemple de ce fameux jeu du cadavre exquis. D'accord. Max Maurice, qu'est-ce qu'un anthropophage? Suzanne Musard, c'est une mouche dans un bol de lait. Benjamin Perret, qu'est-ce qu'un magistrat? André Breton, c'est un voyou, un saligo et un con. André Breton, qu'est-ce que le service militaire? Benjamin Perret, c'est le bruit d'une paire de bottes tombant dans un escalier. Louis Aragon. Si la nuit ne finissait plus. Georges Sadoul. Il n'y aurait plus rien, mais plus rien du tout. Suzanne Musard. Quand les majuscules feront des scènes aux petites lettres. Elle s'y paierait. Les points d'exclamation ne diront pas grand-chose. Benjamin Perret. Quand les lacets pousseront dans les jardins ouvriers. Suzanne Musard. Les cheminots se moucheront avec des pinces à sucre. Suzanne Musard. Quand l'impossible donnera la main à l'imprévu. André Breton. La peur montera très haut sur son ressort. Yves Tanguy. Quand les enfants gifleront leur père. André Breton. Les jeunes gens auront tous les cheveux blancs. Elsie Perret. Si les tigres pouvaient nous prouver leur reconnaissance. Suzanne Musard. Les requins s'engageraient à nous servir de périssoir. Benjamin Perret. Si les orchidées poussaient dans le creux de ma main. André Breton. les masseurs auraient de quoi faire. Suzanne Musard, si l'ombre de ton ombre visitait une galerie de glace. André Breton, la suite serait indéfiniment remise au prochain numéro. André Breton, si les objets pleins étaient remplacés par l'intervalle qu'il y a entre ces objets, cet intervalle étant plein, les anciens objets servant l'intervalle. Elles y paieraient. Personne n'arriverait à prendre quoi que ce soit. Pierre Unique, si les journaux étaient imprimés sur papier d'argent. Louis Aragon, eh bien merde. Pierre Unique, quand on élèvera une statue à l'association des idées. Louis Aragon, l'ange du bizarre inventera l'art du billard. Marcel Jean, vous avez l'air tout attendri par cette chanson. Oui, c'est une chanson de Fortugé, qui est un chanteur des années 25-27, comme ça. Un garçon très jeune et qui a eu un succès tout à fait étonnant avec cette chanson-là. Mes parents sont venus me chercher. Et une autre qui était intitulée « C'est jeune et ça ne sait pas ». Et c'est évidemment un vieil enregistrement, on ne peut pas très bien voir de quoi il en était, mais ces deux chansons ont eu un succès extraordinaire et la manière dont il chantait était absolument séduisante par sa bizarrerie. En plus que la chanson elle-même avait un air cocasse et des paroles encore plus cocasses. Il serait peut-être heureux de refaire un repiquage d'une chanson comme ça parce que c'était une chose tout à fait remarquable. Seulement Fortugé a créé 3 ou 4 chansons et il a attrapé une pneumonie, quelque chose, et il est mort tout à fait jeune. De sorte que sa réputation n'a pas survécu. À la nouvelle folle montrer la cave. La petite folle était bien, ça m'a plu. À la cave, je suis tout de suite descendu. Et j'y serais encore resté, mais ne me voyant plus remonter, mes parents sont venus me chercher. Max Maurice, Chasse gardée. Chasse gardée. Je m'engageais dans un couloir très étroit, aux parois duquel étaient fixées, face à face, 2 rangées de mannequins représentant des femmes dans des costumes divers, la plupart fort légers, et dont les bras étaient articulés et munis de gants de boxe. À côté de chaque mannequin, une petite fente, semblable à celle des distributeurs de chocolat meunier, et cette inscription sur émail, pour boxer, mettait 10 centimes. Je choisis une brune dont les jambes étaient vêtues d'un maillot rose et le buste d'un corsage rouge, retenu aux épaules par de minces bretelles de soie. Et je glissais mes dessous. Je reçus aussitôt une violente volée de coups de poing. Je commençais à me repentir de mon imprudence et je tentais de fuir sans riposter. Mais les bras des mannequins voisins sortirent immédiatement de leur immobilité et se mirent à me bourrer de horions. Je me démenais comme un beau diable, frappant à mon tour mes adversaires qui semblaient insensibles, lorsque le mannequin, que j'avais provoqué le premier, allongeant ses 2 jambes et s'appuyant du dos à la paroi du couloir, m'appliqua ses pieds si fort sur le ventre que je me trouvai pris entre eux et la paroi opposée comme dans un étau. Mes ennemis m'auraient assommé si, d'un effort prodigieux, je ne m'étais dégagé. Je voulus d'un bond sortir de leur cercle, mais je butais et j'entraînais dans ma chute le mannequin rouge et rose. Il m'enlaçait étroitement, et nous nous débattions à terre de telle sorte que nous mimions assez exactement l'amour. Je me remis à frapper. Sous mes coups, le mannequin devint femme. Mes poings faisaient résonner ses côtes et mâchaient sa chair. Elle hurlait, mais ne cédait point. Ce combat, corps à corps, commençait à exciter singulièrement mes sens. Un instant après, continuant à lutter, nous nous accouplâmes. Alors je me mis à la serrer dans mes bras avec une telle puissance que je la sentis bientôt rendre le dernier soupir. J'essayais de me dégager, mais ses bras m'emprisonnaient. Marcel Jean, ce que nous venons d'entendre, c'était un récit de rêve. Nous avons entendu un récit de rêve qui faisait suite à la chanson de Fortugé, car les surréalistes ont beaucoup pratiqué ce genre de reportage, en quelque sorte, c'est-à-dire de raconter les rêves qu'ils avaient eus à différents moments. Et il s'agit ici d'un rêve beaucoup plus développé, d'ailleurs, de Max Moritz, qui a été un collaborateur du surréalisme pendant assez longtemps. Et c'est la fin de cette espèce de cauchemar, plutôt que rêve, qui est ici donné. On s'étonnera sans doute du côté extrêmement bousculé des différentes faces du surréalisme que nous présentons, mais c'était vraiment la nature du surréalisme de s'exprimer par toutes sortes de moyens. On aimait différentes choses qui étaient quelquefois contradictoires. La contradiction était un des éléments du surréalisme, on peut dire. Et alors justement, à propos de la littérature, là, il y a une belle contradiction. Parce que je trouve, par exemple, chez Breton, cette phrase « Dites-vous bien que la littérature est un des plus tristes chemins qui mènent à tout. » Et Antonin Artaud, on la connaît bien, cette phrase. « Toute l'écriture est de la cochonnerie. » Et pourtant. Et pourtant, ils ont toujours écrit, ils se sont toujours manifestés soit par l'écriture, soit par la peinture, mais en gardant toujours dans leur esprit le fait que c'était que des moyens d'expression, que c'était pas la poésie elle-même, que c'était le moyen d'exprimer la poésie, que la poésie était plutôt dans la conception d'existence, dans le comportement qui s'exprimait évidemment par l'écriture, qui était un moyen assez lamentable. Breton parle aussi de la peinture comme d'un moyen lamentable, en parlant de Picasso, comme par hasard. Mais est-ce qu'on peut dire, en se référant à des notions connues, que les surréalistes étaient purement et simplement des poètes? Non, certainement. Pas des poètes. Dans leurs écrits. Dans leurs écrits. Pas forcément, parce qu'il y a eu des écrits polémiques, beaucoup d'écrits polémiques qui relevaient du surréalisme. Oui, mais dans les genres littéraires qui appartiennent à la fiction. Dans les genres littéraires, c'était toujours des textes poétiques. Oui, il y a une grande haine pour le roman, par exemple. Oui, le roman ne les a pas attachés, sauf des romans purement poétiques, on peut dire, comme le livre d'Aragon de Quirico, Hebdomeros. Qui est vraiment un roman de rêve, on pourrait dire. Le roman, ça me fait penser à une phrase de cet écrivain américain, Ambrose Bierce, qui n'a jamais été signalé par les surréalistes, mais qui a pourtant des côtés extrêmement surréalistes dans son expression et dans sa vie elle-même. Ambrose Bierce disait « Le roman, c'est une nouvelle rembourrée ». C'est-à-dire que les éléments sont extrêmement simples, mais au lieu d'être condensés dans une nouvelle courte, ils sont étirés sur 200-300-400 pages. Alors justement, est-ce que les surréalistes, dans leur attaque du roman, n'identifient-ils pas trop facilement le roman et la littérature ? Ils ont un peu tendance à identifier la littérature, enfin leur mépris pour la littérature. Oui. Est-ce que ce n'est pas purement et simplement un mépris pour le roman? C'est en grande partie cela qui est pour eux la littérature méprisable, si on peut dire. C'est le roman qui remplit les librairies et qui disparaît à peu près aussi vite qu'il a été publié, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Alors pourtant, en 1928, qui est une année importante pour le surréalisme, un livre paraît d'André Breton, Nadja. Et ce livre, certains le prennent pour un roman. Certains le prennent pour un roman. Dans une certaine mesure, on peut dire que c'est un roman en ce sens que, bien qu'il se prétende être un reportage, n'est-ce pas, c'est-à-dire un récit de choses arrivées, c'est un choix de choses arrivées. C'est une chose qui a été arrangée comme un livre. Non, moi, ça n'est pas fait absolument au hasard comme un poème automatique, par exemple. Et dans ce sens, c'est un roman, mais c'est néanmoins une chose beaucoup trop réelle et beaucoup trop arrivée pour être considérée comme une chose de pure imagination, avec une intrigue qui commence, qui continue et qui finit. L'intrigue ne commence pas et ne finit d'ailleurs pas dans Nadja. Ce qui m'intéresserait, c'est de connaître votre bilan personnel des œuvres surréalistes littéraires. Qu'est-ce que vous retenez de tous ces livres publiés? De ces livres publiés, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir les champs magnétiques au début, qui est le premier texte automatique. On peut retenir les recueils de Perret. Je ne mange pas de ce pain-là, il était une boulangère, mort aux vaches et aux champs d'honneur. Ce sont des recueils de poèmes. On peut retenir quelques ouvrages d'Aragon, la Grande Gaieté, c'est un et puis voilà les titres qui me manquent. Le Libertinage. Oui. Le Libertinage pas le Traité du Style. Le Traité du Style, voilà, c'est ce titre que je cherchais, qui sont des livres assez violents et tout de même assez caractéristiques. D'Éluard, on retient ses recueils de poèmes, ses nombreux recueils de poèmes, jusqu'à la guerre et même certains après. De Soupeau a écrit des romans, mais il a publié récemment d'ailleurs. Oui, c'est cela, mais c'était déjà assez éloigné du surréalisme. Il n'était plus tellement lié, il n'était même plus du tout à la fin quand il a écrit ses romans, qui ne sont pas du reste sans valeur, naturellement, loin de là. Et puis, il y a eu alors ces deux ouvrages qui sont des romans, véritablement, ou même plusieurs ouvrages, l'Hebdomeros de Quirico, qui est une sorte d'immense récit de rêve qui continue toujours d'une manière très géniale, on peut dire, d'un bout à l'autre. Et plus récemment, les romans de Leonora Carrington, qui a été l'amie de Max Ernst avant et un peu pendant la guerre, et qui a écrit de véritables romans, mais des romans tout à fait poétiques, dont l'un s'appelle La Porte de Pierre, l'autre Le Cornet Acoustique, et qui ont été publiés assez récemment, grâce aux soins de Henri Parisot, d'ailleurs, qui l'a publié ça chez Flammarion. Et ça, ce sont vraiment des romans surréalistes, parce que l'histoire se développe sur le plan poétique, non pas sur le plan d'une intrigue qui se lit et qui se dénoue, mais sur un plan qui appartient beaucoup plus au rêve qu'à la vie réelle. Ce sont ces ouvrages qu'on peut retenir, avec quelques autres qui ne me viennent pas immédiatement à l'esprit. Oui, par exemple, vous ne parlez pas de Desnos. Vous ne parlez pas de Vitrac, ni même d'Antonin Artaud. Je ne parle pas de Vitrac, et j'ai tort. Je ne parle pas de Desnos, et j'ai le plus grand tort également. Ainsi que d'Artaud. Mais il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Mais Vitrac a écrit des pièces de théâtre tout à fait remarquables, à mon avis. Il a écrit des choses qui sont extrêmement... passionnante, enfin, de ce point de vue, particulièrement poétique. Et Desnos a écrit de longs textes purement automatiques, où vraiment il exprime un lyrisme que personne dans le surréalisme n'a pu exprimer de la même manière. Parce que ses discours, ses soi-disant sommeils, qui n'étaient pas de véritables sommeils d'ailleurs, qui étaient plutôt d'une espèce d'absence de contrôle de la raison de l'écriture, ces choses-là sont extrêmement étonnantes, tout à fait étonnantes. Quant à Artaud, on connaît bien son œuvre et elle a tout à fait sa place dans le surréalisme. Alors, au chapitre breton, je remarque là que vous ne citez pas l'amour fou. Je ne cite pas l'amour fou, évidemment. Je devrais le citer aussi. Vous aurez beaucoup d'observations à me faire de ce genre. Mais l'amour fou, c'est un recueil de textes qui est de première importance également dans le développement de la littérature surréaliste. Alors, je vous propose que nous remettions en mémoire certains de ces textes surréalistes. Très bien. Aragon. Le libertinage. Madame à sa tour monte. On a réuni deux étages, et c'est comme une maison démolie. La trace du plafond abattu demeure à ces murs sur lesquels les papiers lacérés des chambres, fleurettes claires, ramages foncés, motifs perpétuels d'une chasse répétée, et faux linoléum des cabinets de toilette, témoignent d'une vie ancienne interrompue. Traces brunes écoulées des cheminées. Ça et là, la tapisserie, plus claire, se souvient du lit, de l'armoire ou des tableaux. Crucifix. Sur deux rangs, soldats mélancoliques, les six fenêtres regardent cet intérieur stupide, avec reproche. Les portes supérieures se sentent sottes de s'ouvrir sur le vide. En bas, dans un coin, un café surpris vivant par la pioche appuie au décor de la dévastation son zinc encloué de pièces fausses. Le comptoir peint à la marbre rose, les grands tabourets branlants et l'échafaudage léger des étagères lourdes de litres et de bocs. C'est ici que Matisse reçoit les importuns. Ils ne peuvent bientôt plus supporter l'atmosphère désolée de ce lieu, trouvent une excuse et s'esquivent. Au soir, une lampe de chantier éclaire seule les démolitions. Les ombres se projettent, immenses, jusqu'au plafond. Et Matisse imagine des romans. Orpheline, elle débarque du village où s'usa l'honnêteté de ses pères et mères, à Paris, dans le bar de son oncle, jadis parti pour la capitale, son dernier parent, son dernier soutien. Naïve et pure, au milieu des charrons et des mines inquiétantes, convoiteuse, que va-t-elle devenir? Son sort se lie aux yeux d'une fille que maltraite un souteneur. L'oncle même va la livrer à ce prince russe, et c'en est fait. Mais l'inconnu paraît et la sauve. Force, beauté, richesse, il a dans sa vie un secret. Qu'on le connaisse, le roman est fini. Matisse est encore la panthère qui ruine les grandes d'Espagne, pousse les enfants au suicide, les commis au vol, les banquiers à la banqueroute, les lycéens à l'assassinat. La voici qui vient séduire, rouleuse de théâtre, dans un café suburbain, l'innocent rinceur de verre qui n'a pas 16 ans. Ici, la scène devient réaliste. Et tout à coup, beaux yeux, que cherchez-vous dans les solives? La voluptueuse aperçoit une médaille au cou du jeune homme, ou une marque de naissance, ou un tatouage indélébile, et ma parole, c'est son fils abandonné dans la neige, il y a beau temps, sur les marches de quelque église. Après un tour pareil, on prend le voile. Elle passe dans la salle à manger. André Breton, Nadja. Nadja. Je veux prendre congé d'elle. Elle me demande qui m'attend. Ma femme, mariée. Oh alors. Et sur un autre ton très grave, très recueilli. Tant pis. Mais, et cette grande idée? J'avais si bien commencé tout à l'heure à la voir. C'était vraiment une étoile. Une étoile vers laquelle vous alliez. Vous ne pouviez manquer d'arriver à cette étoile. À vous entendre parler, je sentais que rien ne vous en empêcherait. Rien, pas même moi. Vous ne pourrez jamais voir cette étoile comme je la voyais. Vous ne comprenez pas. Elle est comme le cœur d'une fleur sans cœur. Je suis extrêmement ému. Pour faire diversion, je demande où elle dîne. Et soudain, cette légèreté que je n'ai vue qu'à elle, cette liberté, peut-être précisément. Où? Le doigt tendu. Mais là? Ou là, les deux restaurants les plus proches. Où je suis, voyons. C'est toujours ainsi. Sur le point de m'en aller, je veux lui poser une question qui résume toutes les autres. Une question qu'il n'y a que moi pour poser, sans doute, mais qui, au moins une fois, a trouvé une réponse à sa hauteur. Qui êtes-vous ? Et elle, sans hésiter. Je suis l'âme errante. Benjamin Perret, J'irai veux-tu ? J'irai veux-tu ? Il était une grande maison sur laquelle nageait un scaphandre de feu. Il était une grande maison, ceinte de képis et de casques dorés. Il était une grande maison, pleine de verre et de sang. Il était une grande maison, debout, au milieu d'un marécage. Il était une grande maison, dont le maître était de paille, dont le maître était un être, dont le maître était une lettre, dont le maître était un poil, dont le maître était une rose, dont le maître était un soupir, dont le maître était un virage, dont le maître était un vampire, dont le maître était une vache enragée, dont le maître était un coup de pied, dont le maître était une voix caverneuse, dont le maître était une tornade, dont le maître était une barque chavirée, dont le maître était une fesse, dont le maître était la carmagnole, dont le maître était la mort violente. Dites-moi, dites-moi, où est la grande maison ? Marcel Jean, les surréalistes n'ont rien inventé pour arrêter le temps. Je vois qu'il est déjà 23h47. Alors, juste un mot sur ses rapports avec les arts, avec la peinture et aussi, ne l'oublions pas, avec le cinéma. Dans le numéro 3 de la Révolution surréaliste, Pierre Naville écrit « Je ne connais du goût que le dégoût. Maître, maître chanteur, barbouillez vos toiles. Plus personne n'ignore qu'il n'y a pas de peinture surréaliste, mais il y a des spectacles, la mémoire et le plaisir des yeux. Voilà toute l'esthétique. » Je crois que c'est une déclaration qui a été quelque peu démentie par les faits. En effet, elle a été un peu démentie, d'abord par André Breton, qui a écrit en partie le surréalisme et la peinture pour indiquer que s'il n'y avait pas véritablement de peinture qu'on pouvait étiqueter comme surréaliste, les surréalistes ne négligeaient nullement ce moyen d'expression. Un peu avant, d'ailleurs, Max Maurice avait publié dans la Révolution surréaliste quelques textes sur la peinture, en cherchant justement à adapter le côté de l'idée de l'automatisme à l'idée de la peinture, à la manière de peindre. Et il dit ces quelques mots à ce sujet. « Ainsi que l'autour et le guépard lancés à la poursuite d'une proie fugitive et succulente volent, bondissent par-dessus ruisseaux et civilisations, délaissant les sentiers frayés pour serrer de plus près l'objet de leur convoitise. Le corps, déformé par la vitesse et par l'erreur du chemin, affectant tantôt la forme d'une boule polie qui envoie vers chaque point de l'horizon un rayon de lumière, tantôt l'apparence allongée et impalpable qu'on va quelquefois prendre aux masses de guimauves pendues à leurs crochets et maniées par les poignets experts du marmiton qui vend dessous le bâton mou, mais que l'on observe plus souvent dans les profondeurs du ciel lorsque les nuages, pressentant les colères divines, éprouvent la souplesse de leurs muscles en les soumettant à une gymnastique géométrique et cruelle. Ainsi va le pinceau du peintre à la recherche de sa pensée. » C'est un peu la prévision de ce qu'a fait Salvador Dalí en particulier, avec ces coulées de peinture qui se transformaient en forme et en être. Breton, lui, a parlé de la peinture, mais il a surtout parlé de lui et de la peinture, n'est-ce pas ? De la peinture, de la manière dont il le concevait. Et dans le surréalisme et la peinture, c'est vraiment son impression, son idée de l'expression picturale qu'il nous donne. Il y a plusieurs indications de ce qu'il veut dire en tant que peinture, et il en revient finalement à cette époque-là à la leçon de Picasso. non pas à la leçon de Picasso du cubisme, mais à la leçon de liberté qu'a donné Picasso vis-à-vis de l'expression picturale. Et c'est ça surtout qui importait à cette époque, c'est-à-dire déjà en 1924-25, pour le rayonnement de la peinture surréaliste. En tout cas, il n'y a pas eu que de la peinture, on a parlé aussi d'objets surréalistes. Alors l'objet, ça a été une chose très importante avec dans le surréalisme. Très très rapidement, on s'est aperçu qu'on pouvait fabriquer des êtres qui ne devaient rien ni à la sculpture ni à la peinture, mais qui étaient des créations poétiques en elles-mêmes. C'est ainsi qu'est né l'objet surréaliste, un peu comme un rêve, un peu comme une inspiration subite, en voyant deux objets et en les réunissant. On créait une image poétique, suivant la définition de Reverdy, qui disait que l'image poétique vient de deux réalités lointaines qui se rencontrent sur un plan qui ne leur convient pas. L'objet surréaliste, c'est ça. Ce sont deux, je ne sais pas, une bouteille et un soulier qui se rencontrent sur un microphone, par exemple. Alors, si c'est réussi comme relation, on a un objet surréaliste. Alors, un mot du cinéma. En 1928, c'est Un chien andalou de Buñuel qui adhère au surréalisme en 1930. Et avec Dali, Buñuel signe le grand film surréaliste, L'âge d'or. Alors L'âge d'or, ça a été vraiment un des sommets de la provocation surréaliste, on peut dire, mais dans le domaine cinématographique qui n'avait pas été exploré par les surréalistes eux-mêmes jusque-là. Et on peut dire que Buñuel a gardé tout au long de sa carrière cet esprit surréaliste qu'il a montré dans ses premiers films. Si on voulait donner un festival de films surréalistes, je crois que ça suffirait si on ne donnait que les films de Buñuel. Marcel Jean, une dernière question. Breton est mort en 1966. Est-ce que l'influence du surréalisme s'est éteinte aujourd'hui? Écoutez, qu'est-ce que nous faisons là, cher ami? Si l'influence du surréalisme s'est éteinte, elle ne s'est nullement éteinte. On entend toujours parler d'expositions surréalistes, de festivals de surréalisme. Vous-même, je crois que vous rentrez d'un festival du film surréaliste. Je rentre d'un festival du film surréaliste qui a eu lieu à Perpignan pendant une semaine, où on a présenté des films surréalistes, surréalisants ou apparentés, ce qui prouve que quand même, ça continue bel et bien. Les surréalistes ont été beaucoup imités. Est-ce qu'ils ont été égalés? Dans la fureur, par exemple. Égalés, c'est difficile. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'expression artistique. Il n'y a pas de progrès, si vous voulez, des Grecs à maintenant, ou des surréalistes à maintenant, ou des premiers symbolistes à maintenant. Il y a un développement continuel qui, quelquefois, apparaît moins visible, mais d'autres fois, explose en quelque chose de beaucoup plus brillant. Ce soir, avec Marcel Jean, auteur d'une autobiographie du surréalisme qui vient de paraître aux éditions du Seuil, un livre dont je vous recommande vivement la lecture, c'était Nuit magnétique. Pas champ magnétique. Nuit magnétique. Gérard Vanhove, Édouard Passafium, Louis-Charles Sirjac, Pamela Dussault, Alain Weinstein. Bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 avril 1979. Elle est à réécouter en ligne et à télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.